Premier livre de Samuel, chapitre 26. Les Ziphiens vinrent encore vers Saül à Guiba, en disant, « David ne se tient-il pas caché au coteau d'Aquila, qui est vis-à-vis de Jésimon ?» Et Saül se leva, et descendit au désert de Ziph, ayant avec lui 3000 hommes d'élite d'Israël, pour chercher David au désert de Ziph. Et Saül se campa au coteau d'Aquila, qui est vis-à-vis de Jésimon, près du chemin. Or David se tenait au désert, et il aperçut venir Saül au désert pour le poursuivre. Et il envoya des espions par lesquels il sut très certainement que Saül était venu. Alors David se leva, et vint au lieu où Saül s'était campé, et David vit le lieu où Saül était couché, et Abné aussi, fils de Ner, chef de son armée. Or Saül était couché dans le rond du camp, et le peuple était campé autour de lui. Et David s'en entretint et en parla à Ahimélec, et tiens, et à Abisaï fils de Tseruja, et frère de Joab, en disant, « Qui descendra avec moi vers Saül au camp ?» Et Abisaï répondit, « J'y descendrai avec toi. » David donc et Abisaï vinrent de nuit vers le peuple, et voici, Saül dormait étant couché dans le rond du camp, et sa hallebarde était fichée en terre à son chevet, et Abné, et le peuple était couché autour de lui. Alors Abisaï dit à David, « Aujourd'hui Dieu a livré ton ennemi entre tes mains, maintenant donc que je le frappe, je te prie, de la hallebarde, jusqu'en terre d'un seul coup, et je n'y retournerai pas une seconde fois. » Et David dit à Abisaï, « Ne le mets point à mort, car qui est-ce qui mettra sa main sur loin de l'Éternel, et sera innocent ?» David dit encore, « L'Éternel est vivant, si ce n'est que l'Éternel le frappe, ou que son jour vienne, ou qu'il descende dans une bataille, et qu'il y demeure, que l'Éternel me garde de mettre ma main sur loin de l'Éternel, mais je te prie, prends maintenant la hallebarde qui est à son chevet, et le pot à eau, et allons-nous-en. » David donc prit la hallebarde et le pot à eau, qui était au chevet de Saül, puis ils s'en allèrent, et il n'y eut personne qui les vit, ni qui les aperçut, ni qui s'éveilla, car ils dormaient tous, à cause que l'Éternel avait fait tomber sur eux un profond sommeil. Et David passa de l'autre côté, et s'arrêta sur le haut de la montagne, loin de là, car il y avait une grande distance entre eux. Et il cria au peuple, et à Abné fils de Ner, en disant, « Ne répondras-tu pas, Abné ?» Et Abné répondit, et dit, « Qui es-tu qui crie au roi ?» Alors David dit à Abné, « N'es-tu pas un vaillant homme, et qui est semblable à toi en Israël? Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le roi ton seigneur, car quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi ton seigneur? Ce n'est pas bien fait à toi, l'Éternel est vivant, que vous êtes digne de mort, pour avoir si mal gardé votre seigneur, loin de l'Éternel, et maintenant regarde où est la hallebarde du roi, et le pot à eau qui était à son chevet. » Alors Saül reconnut la voix de David, et dit, « N'est-ce pas là ta voix, mon fils David ?» Et David dit, « C'est ma voix, ô roi mon seigneur. » Il dit encore, « Pourquoi mon seigneur poursuit-il son serviteur? Car qu'ai-je fait, et quel mal y a-t-il en ma main? Maintenant donc je te prie, que le roi mon seigneur écoute les paroles de son serviteur. Si c'est l'Éternel qui te pousse contre moi, que ton oblation lui soit agréable, mais si ce sont les hommes, ils sont maudits devant l'Éternel, car aujourd'hui ils m'ont chassé, afin que je ne me tienne point joint à l'héritage de l'Éternel, et ils m'ont dit, va, sers les dieux étrangers. Et maintenant, que mon sang ne tombe point en terre devant l'Éternel, car le roi d'Israël est sorti pour chercher une puce, et comme qui poursuivrait une perdrix dans les montagnes. » Alors Saül dit, « J'ai péché, retourne-t'en, mon fils David, car je ne te ferai plus de mal, parce qu'aujourd'hui ma vie t'a été précieuse. Voici, j'ai agi follement, et j'ai fait une très grande faute. » Et David répondit, et dit, « Voici la hallebarde du roi, que quelqu'un des vôtres passe ici, et la prenne. Or que l'Éternel rende à chacun selon sa justice, et selon sa fidélité, car il t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, mais je n'ai point voulu mettre ma main sur loin de l'Éternel. Voici donc, comme ton âme a été aujourd'hui de grand prix devant mes yeux, ainsi mon âme sera de grand prix devant les yeux de l'Éternel, et il me délivrera de toutes les afflictions. » Et Saül dit à David, « Béni sois-tu, mon fils David, tu ne manqueras pas de réussir, et d'avoir le dessus. » Alors David continua son chemin, et Saül s'en retourna en son lieu.